Je suis dans les vents bien marchés, souvent d'être amoché. fantasme, esquive-moi, prends l'extase, viendra t'écraser. T'as pas un bout de feuille, un paquet de clopes, ça fera l'affaire. Vas-y, trouve un petit crayon, non, tu sais quoi faire, et branche ce mic. Trouve un beat qui déchire, pour un truc qui claque, là j'ai trop besoin de me faire passer. Ravager les oreilles des personnes passées, j'ai pas âgé, car âgé, c'est par la peine, c'est bien c'est âgé. Passer partagé avec Enzo des morceaux magiques au bout des morceaux. yo. C'est pas le moment de tailler. Check le prestige quand je me mets à railler. Je deviens sévère, je hallucine, c'est clair. Ça donne le vertige, mais faut que tu t'habitues. Je te fais du. Aujourd'hui je feel good, don't worry be happy, je suis dans un mood. Oublie tes soucis, vas-y sur le toit tu boudes. Comprends les marges de ta vie pour j'ai un smile. Je sens dans la rue dans mon bar aujourd'hui. Cool, Bob Marley with me. La caméra sous exomine, tech de dodo. Tu connais ma passion pour le son. Et dans le coin, la seule idée derrière ma tête c'est un pilon. Aujourd'hui je feel joyeux, trop de soleil. J'ai mal aux yeux mais c'est pas grave. En sunglasses, je suis adorable. Alors je sors de chez moi, kiffer la life et faire des angles. Toi tu baves. Au-dessus de toi, c'est plus vieux. Les plus vieux font plaisir. Garde le sourire. Ils ont bien vécu, ils peuvent mourir. Mais les plus jeunes se bagarrent. Tu sais, marre, ils ont le temps de voir venir. Mais aujourd'hui, je suis plus. Spécialiste en sourire triste. Aujourd'hui j'ai décidé de diversifier l'activité grâce à laquelle je vis. Professionnel sourire, aujourd'hui je feel happy. I am smile, c'est l'heure de plus. Tes oreilles, celle-là, y'en a un peu plus. Ma petite dame, je vous le mets ou pas. Les sourires, j'en ai des tas, t'as plus qu'à faire ton choix. Je refle